fica cadeau chez Tattoo Lounge, Moto Piston, Manago, Underworld et Spa Scandinave. Soirée présentée par Kamouraska Vodka et Tattoo Lounge. Tous les fonds de la soirée iront à la Fondation Farah, chef de file dans la collecte de fonds pour combattre le sida. Venez en grand nombre, l'expérience ne fait que commencer. L'expérience, c'est un petit peu comme le show de 70%. On est allé chez Dagwood, man. On est allé chez Dagwood. Puis, attends un petit peu, Israël, là, parce que là, ben, tu peux parler de ton expérience Dagwood. Je vais mettre notre thème. Non, ben, faudrait y en parler tout de suite parce que la pub vient de passer. Puis, en tout cas, c'est pas dans des petits casseaux tout de suite. Hey, man, c'est quoi? Il y a la coupe devant toi, la viande. Puis, la sauce Dagwood. Il met de la sauce partout. Puis, là, c'est pas dans des casseaux. Ça veut dire que vous êtes à 70%. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70%, si t'es pas content, ben fais-toi vomir. Good. Chez Dagwood, quelle aventure. Je me rappelais pas si je l'avais déjà mis celle-là, fait que j'ai ramené Chrono Trigger en background. C'est un excellent choix. Wow, je pense que c'est un pas mal de bons choix. Sinon, ben aujourd'hui, je vais parler de L'Homme Hologramme, qui est un film qui oppose le meilleur des meilleurs des meilleurs contre le meilleur des meilleurs des meilleurs. L'un est un homme hologramme et l'autre est un homme le meilleur des meilleurs des meilleurs de l'unité spéciale des flics de Los Angeles. Est-ce qu'il est corrompu? Non, pas encore. En fait, il combat les corrompus. Yeah. Non, chacun son rôle. Sinon, on a Benoît en studio. Benoît, il va parler de UV Ball. Ouais, tu l'as bien dit cette fois-ci. Non, bon. Que d'expérience. Les gens ont souvent tendance à dire oui, mais il faut dire UV. UV, bon, voilà, comme les rayons. Exactement comme les rayons. Sinon, il y a Bruno qui est là pour nous encourager. C'est à peu près ça. OK. Je vais peut-être dire des niaiseries s'il y en a qui me viennent. Ah, bon, on va laisser des niaiseries. Hey, sinon, ben moi, on m'a commencé le show en disant félicitations à Sylvain Noël de Rouyn-Noranda qui a pondu un Ulysse. Il l'a appelé Ulysse Noël. Puis là, ben, pour le féliciter, on va commencer l'émission avec Caporal Capoté, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais, tu parles de Caporal Capoté? Ouais, ouais, ben j'ai les Nicole, le Ben à Sylvain Noël. Ouais, c'est pas mal brain dead. Fait qu'on va commencer avec ça, puis on vient à 70% avec des extraits, puis beaucoup d'amour. Oui. Ouais. En tout cas, chez Dagwood. Il avait fière allure sur son petit lopin clair, tirant des coups en l'air et arborant un casse dur, pensant qu'il était à guerre. Caporal de vocation, oh, capoté de réputation, il se pense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon diable, mais des fois il est l'enfer, il se cache en tranchée avant qu'il fasse noir. Cet Américain sans pure avait même miné sa terre. Ses chevaux sans trop le savoir, en trottant près de la clôture, se ramassait quatre fers en l'air. Caporal de vocation, oh, oh, oh. Capoté de réputation, wow, wow, wow. Il se pense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. un bon yard, mais des foyers d'enfer, ils se cachent en tranchée avant qu'il fasse noir. Le Vietnam perdure, qui peut pas s'empêcher d'y croire. Sur son sou d'armée vert, des médailles en toque pure font froid de sa grande carrière. Caporal de vocation, wow, oh, oh, capoté de réputation, wow, oh, oh, oh. Il se pense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon diable, mais des fois il est l'enfer. Il se cache dans tranchée avant qu'il fasse noir. Ici l'hiver est en dur, étendu sous un pied de neige. Passé outre dans son trou noir, confirmant que son futur était de mourir à guerre. Oh, oh, oh. Caporal de vocation, oh, oh, oh. Capoté de réputation, oh, oh, oh. Il se pense en 67, 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon yard, mais des foyers d'enfer. C'est la grande fanfare pour nous annoncer le début de L'Homologramme, un film de 1995. On va commencer tout de suite. On est juste après le générique du début. Là, il arrête d'avoir des lettres sur fond noir. On commence là. C'est ça la vie. Hein. Chier, on est déjà à deux. Qu'est-ce que tu dis de ta première journée, décodeur? Je rappelle, ça commence. J'ai pesé play. Oui, c'est sûr. Je crois que t'as raison. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a des hommes qui se tirent dessus. Là. On sait pas vraiment qui est le héros ou qui est le méchant. Là. On sait qu'il y a des gars... Hey, cette arme n'est pas réglementaire. Et ça non plus. Et voilà les balles non réglementaires qui commencent à faire pleuvoir les explosions sur le champ de bataille. Et c'est un très, très mauvais moment pour être un véhicule motorisé. Ça explique. Ça aïe, aïe, aïe. Boom. Là, c'est difficile de les compter, mais il y a environ 7 véhicules qui viennent d'exploser grâce à l'arme non réglementaire de John Amos. John Amos, c'est un gros monsieur qui est de race africaine-américaine, pour pas l'insulter. Un méchant, il était le méchant dans Beastmaster, c'est le vieux film là que le gars il parlait aux animaux. Ah, il gros, était également le Master. Ouais, ouais. C'était comme mi-moyen saignant, là. On peut lui donner de l'espoir parce que c'était vieux, mais il était sinon plus récemment le méchant dans Die Hard 2. C'était un des militaires qui était invité pour aider à régler la crise, mais qui était méchant. T'sais, il mettait des chargeurs avec du tape bleu autour parce que c'était des fausses balles. Puis là, John McClane, il l'a su quand il était sur son skidoo, là, le skidoo qui arrêtait les balles vers la fin. Sinon, on va retourner dans le film parce que... Un peu, mon piqué. Qui slash Gallagher va-t-il buter? Je suis pas une balance. Non, non. Pas que ça sent brûler. Hein? OK. Quelque chose d'important va se passer. Je sais pas ce que c'est. Ça ne suffit pas. Vous n'êtes qu'un capitaine. Il crève. Il crève. Okay, attendez. C'est John Amos qui parle à Deco 2, qui est sa première journée, tu sais, il apprend les vraies valeurs. On est à 3 déjà. Et ce sont de vraies munitions et du vrai plastique, ça va péter d'une seconde à l'autre. Allez, qui crève! Comme s'il restait encore une affaire à exploser. Sinon, ben c'est ça, lui, parce que c'est encore un jeune flic idéaliste, il va sauver le gars qui était le méchant qui était à côté. Là. Mais John Amos, comme j'ai dit, lui, il a abandonné la mission, il le laissait là. Sinon, dans l'homologramme, on a Evan Lurie, qui était dans Force T, La Reine de Feu 2, Karate Cop, Double Impact. C'est tous des films très mauvais. Beaucoup de Pépin Méry là-dedans. L'homologramme qui est aussi un Pépin Méry. On avait aussi Joe Lara. Joe Lara qui est très chevelu, qui ressemble à Lorenzo Lamas, un acteur canadien, qui faisait avec Frank Zagarino Doomsdayer et puis Armstrong et Warhead. C'est trois films qui sont très douteux. On a William Sand... Ah, tiens, je l'ai écrit tout croche. Sanderson. Tout le monde connaît William Sanderson. On sait pas ce qu'il fait là, mais il a déjà joué dans Blade Runner. Il faisait J.F. Sébastien, le scientifique qui héberge les cyborgs. Ouais, c'est ça, il a perdu des levels depuis. Sinon, on a Tommy Lister. Ça, c'est tout là-dedans, là. Tommy Lister, lui, faisait le président dans Le Cinquième Élément, c'est le gros noir, là. Eh ben. Ouais, puis il faisait encore... Là, ouais, là, on est rendu à la séquence de baisse gratuite. Ça, c'est infect, ce film-là. J'ai vraiment hâte de montrer ça à tout le monde. Et puis, bien sûr, Tommy Lister, qui faisait Zeus dans le film avec Hulk Hogan, là, il faisait le gros noir qui était méchant, là, qui répondait « Quel est votre nom? » Il y a quelqu'un qui vient d'entrer en studio. C'est Christiane. C'est Christiane. Sapristi, va t'asseoir. Fais comme chez vous. On a des amis ici de l'Abitibi au complet. Fait que là, ben, sinon, on va continuer à aller un petit peu plus tard. Parce qu'on va aller à la 7 minutes 54. Là, ce qui arrive, c'est qu'on va rencontrer le gouverneur de l'État. Décoda. Qui est mis en danger. Tu remettre ton flingue dans ta ceinture, c'est plus pratique. C'est contraire au règlement. À propos de règlement, montre au gouverneur ton manuel réglementaire de poche. Il dort avec ce truc-là. Il en a pas, lui. Il faut savoir improviser. Gouverneur, excusez-moi, mais le mieux serait de changer notre itinéraire. Non. Faudrait savoir si c'est eux ou moi qui mènent la danse. Ah. C'est pour ça que vous me protégez, non? Et voilà. Tout simplement. On va aller un petit peu plus loin, encore une fois, ça va se passer avec le gouverneur. Parce que c'est une bonne mise en situation, là, aujourd'hui, ce soir, à 70%. Je ne m'en souviens pas. Sûrement avant la puberté. Faut que tu t'arrêtes, Wes. Trouve un passe-temps et marie-toi. Fais des bébés. Je n'ai jamais su être autre chose qu'un flic. Tu devrais laisser les jeunes prendre la relève. Il est prêt à sauver le monde. Pas vrai, lieutenant? Pas le monde entier, monsieur. Un quartier à la fois. Et puis là, ben, tranquillement, on comprend la problématique. Hein? Lui, il est comme vieux, il est à la retraite. C'est West... c'est quoi son nom? Stillman? Strickman. Strickland, c'est ça. Ben là, on va les revoir de toute façon, ça va être excellent. Parce que là, ils viennent de rattraper Allez, Slash. Allez, Slash, c'est fini! Qui veut Libère le gouverneur! Lâche ton arme! Tiens bon, mon gars! Wes! Jette ton arme! Je t'ai dit de jeter ton putain de flingue! Te rends surtout pas, Je veux que tu jettes ton putain de flingue maintenant! Non! Vas-y! Et voilà, le putain de flingue est jeté. Gouverneur! Il est temps que cette ville retourne au peuple! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de vous résigner. Non! Je vous ai dit de pas bouger, sale enculé! Et maintenant, vous allez m'obéir, toi aussi, petit! Ouais! Me v'là avec deux flics sur le dos. Qu'est-ce que je fais de vous? Ça ne change rien du tout, puisque tu es fini! Ok, ok. T'es un vrai flic, Srico. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? On va voir si t'es vraiment un dur. Y'a plus que trois balles. Une pour chacun. On va jouer à ce petit jeu. Ça vous dit? Ok. Ça a super pas rapport. Non, ça me dit plus rien du tout. Mais vous, vous jouez. À qui le tour? Des cinglés. Ne me traite plus jamais de cinglé. Tu comprends? Je suis légèrement incompris, mais je ne suis pas du tout un cinglé. Non. À moi. Non. Ça a l'air des beaux très personnages bien. Tridimensionnels, je trouve. Ah oui, c'est de toute beauté, ça ce film-là. Ça fait pas très mal. Là, bien sûr, le flic, le vieux qui prenait pas de vacances jamais va mourir. Le nouveau idéaliste à sa première journée de congé va prendre une grosse dose de réalité. Qu'est-ce qui arrive quand ton partenaire flic meurt? Ça devient personnel. Ça devient personnel. Excellent, Israël. Je pense que tu dois dropper le petit manuel aussi. Oui, c'est ça. Voilà, tu commences à devenir plus adaptable. Tu commences à moins suivre le règlement, à moins y aller by the book. Ben, c'est personnel. Ben, ça devient personnel. Hey, pendant ce temps-là, Christiane, qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es venu nous présenter ton show de la semaine prochaine. Ben oui, je vais parler de mon festival de gros. Ben, vas-y. Ben, écoute, ça s'appelle Big Shot. Ça va être jeudi cette semaine, le 8. Puis, mais ça va être plein de prestations par des gros, tu sais, un match d'impro de gros, une parade de mode de gros. Il va y avoir des shows d'humour de gros, des shows de burlesque, des gros DJ. Puis, mais comme, mettons, pour les jeux gays, est-ce que, pour participer à ça, est-ce que vous faites passer un sondage, savoir si la personne est grosse? Non, mais j'ai essayé de trouver une réponse solide là-dessus, parce que tout le monde me le demande, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être assez gros. Puis, non. Mais j'ai trouvé quelque chose comme genre, deux fois ton poids santé moins 30, c'est en haut de ça, quelque chose de même. On est en kilos ou en livres? Moi, je marche en livres. Toi, tu marches en livres, ouais, on est encore là-dedans. Ben, ça fait encore plus gros, tu sais. C'est excellent. Ça fait plus de chiffres, tu sais. Excellent. C'est dur de passer le 200 quand tu parles de kilos, tu sais. Ben, c'est sûr, ouais, j'avoue, faut travailler fort. C'est clair. Peut-être que tu vas en avoir une coupe, en tout cas, par chez vous, tantôt, là. Hey, sinon, ben là, on vient d'écouter quand même un grand bout de film. On a écouté du monde parler. Parle-moi de ta pub que t'as eu aujourd'hui, puis après ça, tu vas parler du groupe de punk de Joliette, puis après ça, on va écouter une pub. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai eu la meilleure pub de la semaine. C'était pas une pub de Noël. Non, messieurs, mesdames. Aujourd'hui, ça sonnait à la porte. Et je faisais un somme sur le canapé. Je me lève, je réponds, puis il y a un gars avec un chapeau de cuisinier. Qui vient à ta porte? Oui. Oh, puis il dit « Bonjour, je travaille pour Kraft. » J'ai dit « Ah ouais? » Puis là, il a dit « J'ai une pizza pour vous. » Puis c'est pas du resto. Puis il m'a donné une pizza. Puis il est parti. Ah, ouais, j'ai vraiment reçu une pizza. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'habite dans un quartier très riche de la ville. Mm. Puis c'est passé à 2 heures. Fait que lui, qu'est-ce qu'il vit, c'est de porter des pizzas à des mères femmes au foyer qui font l'épicerie, puis qui vont sûrement en racheter d'autres pizzas, puis ils vont pas en porter aux pauvres de Dashlaga, puis je trouve ça très laid. Puis là, c'était beau, parce qu'il était écrit, mettons, t'étais pas là, il laissait un petit publicitaire, puis il était écrit « Sauver 1$ sur l'achat d'une pizza ultra machin ». Puis il était écrit « Une nouvelle pizzeria est en ville ». Mais c'est parce qu'elle est dans le congélateur de ton épicerie. Puis aussi, c'était écrit « Vous nous avez manqué ». Oui. Fait que tout le monde de ma rue va être en crise de pas avoir été là. Beaucoup. Bon, ben là, parle-moi de ton groupe de métal. Ouais, c'est pas mon punk. Groupe de métal à moi. C'est un groupe de punk de Joliette que j'haïs beaucoup, qui s'appelle Webster Problem, qui ont fait une chanson très pertinente qu'on va aller écouter dès maintenant. Elle s'appelle « Je profite du BS ». Et les paroles, c'est du genre « Je profite du BS ». J'ai 60. Pas besoin de travailler. C'est ça. Tu y vas à moins que 70% dans ce temps-là. Bon, on écoute ça à 70%, puis on revient pour parler de UV. Bon. Bon. UV. Profite du BS! Pas besoin de travailler! Yeah! Fait que Uwe Boll, c'est un gars qui fait des films. Yeah. Il est d'origine germanique, à savoir qu'il vient de l'Allemagne. et puis pendant un bon petit bout de temps, il faisait des films poches pour la TV, puis personne n'écœurait avec ça. Sauf qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'en Allemagne, il y a un système de taxes particulier qui fait que les investisseurs reçoivent 100% de leur investissement en déduction de taxes. Puis, c'est que si tu te finances toi-même à place de comme recourir à des systèmes de subventions, ton film reçoit 50% de... 50% de... Du budget final. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'écris très petit mes notes. Mais c'est quoi se financer soi-même? Ça veut dire que Uwe Boll doit faire ses films avec son portefeuille à lui, là. C'est ça. Puis okay. Aussi, vu qu'il trouve ses propres investisseurs, okay. Lui-même, tu sais. C'est comme par rapport à sa compagnie à lui, à place de comme d'être, mettons, mandaté par Paramount. Là. OK. Bon, ben, c'est ça. Ces investisseurs vont recevoir 100% de leur investissement en déduction de taxes. Puis ça leur permet aussi à ces investisseurs d'emprunter de l'argent pour pouvoir l'investir, pour en tout cas. Pour avoir 50% c'est de ça. Déduction. Puis ce qui est très beau dans ce système de financement-là, c'est que si jamais. En fait, les investisseurs ont seulement besoin de payer des taxes sur les profits que le film fait. Ce qui fait qu'on entend par profit que, tu sais, comme si le film fait plus de cash que ce qu'il a coûté. Ouais, voilà. Bon, ce qui arrive jamais dans le cas des films d'Uwe Boll. Ce qui fait que finalement, ben, les investisseurs payent jamais rien. Donc. Mais ça, c'est bien le fun, ce principe-là pour Uwe Boll. Mais comment ça se fait que, je veux dire, des gens comme Michael Bay peuvent continuer à faire des films d'abord s'ils ouais, profitent ouais. pas de ça? Hein, mais parce qu'eux autres sont pas allemands. Ah. OK. Fait que Uwe Boll aussi. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ben, avec Uwe Boll, ce qu'il s'est dit, c'est que, tu sais, comme, j'ai pas vraiment de talent. Fait que je vais prendre des scénarios des franchises de jeux vidéo. Parce que ça, c'est facile à obtenir. Parce qu'ils veulent juste les vendre parce que personne ne va en faire. Ouais. Puis lui, en plus, Uwe Boll, il aime ça, les jeux vidéo. Fait que, il achète ça. Il en achète comme 3-4 en même temps que tout à coup, qu'il y en a une qui poche, là, tu sais, parce que. Ça arrive, tu sais, quand tu runs des films. Il achète des package deals, lui. Mettons, il va voir Eidos, puis là, il lui dit j'ai besoin de Lara Croft, puis il voit quoi qui a déjà été vendu, elle. Mais ouais. Mettons, il va voir Ubisoft, puis il dit j'achète Rayman, puis j'achète. Prince of Persia, puis tout ça, là. C'est ça. Fait que là, il en rentre plein en même temps, parce que justement, c'est des. En fait, l'intérêt, c'est que souvent, les gens se demandent pourquoi Uwe Boll est capable d'avoir des acteurs connus dans ses films, tu sais. Sauf que Uwe Boll, son truc, c'est qu'il tourne super vite. Il est un peu connu comme étant le Ed Wood des années 2000, un peu à tort, mais on en discutera par après. Fait que, dans le fond, pour un job d'une journée complète, souvent, les acteurs sont payés le même salaire puis ils travaillent juste 2 heures. Hey, hein? Fait que, tu sais, quand t'es Jason Statham, mettons, puis que tu dis que t'aurais besoin de cash, là, ben, tu dis, OK, moi, faire le remake de Dungeon Siege. Cet après-midi, m'aller recevoir une hache dans face, puis ça va être fini. Ah, mettons. C'est ça. Aïe, aïe, hein? En plus, Uwe Boll, ben, c'est pas seulement un gars qui fait des films, parce que sa formation initiale, lui, c'est un docteur en littérature allemande. OK, OK. Ouais. Sérieux, on est à 70%. C'est on ça. On parle d'un docteur en littérature allemande qui fait des remakes de jeux vidéo mauvais. Ah ouais, c'est parce ça. Parce qu'il sauve des taxes. T'as-tu des noms de films? Je sais qu'il y a Alone in the Dark. Ouais, c'est ça, ben, j'y venais. Sa vidéographie, OK? Fait que pendant les années 90, il a fait plein de films poches. Puis après ça, en 2003, il a commencé à trouver comment ça marchait en Allemagne. Là. Fait qu'en 2003, il a fait House of the Dead. Il dit que c'est un excellent remake d'un film. Il dit que c'est le même que ça marche, là. C'est super violent. Ouais, il s'aime beaucoup hein, dans ses ouais, commentaires. Il n'y a pas le choix, ben, tu sais, parce qu'il est tout seul. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre affaire, mais il a fallu qu'il défende son titre de s'aimer parce qu'il s'est battu contre ses critiques à la boxe. Mais j'y reviens, ça sera pas long. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'en 2005, il a fait Alone in the Dark, puis dedans les special features du DVD, il se fait demander qu'est-ce que t'as appris par rapport à ce film-là, toi, parce que, tu sais, comme c'est poche, puis tout le monde l'a dit. Il dit ah, je viens d'apprendre que c'est important un script. Il a continué en 2005. Il a déjà fait 2 films en 2005. Il a fait Blood Rain. Ouais. Yes. Ouais, ça, c'était ça. Par exemple, ça, c'est pris un break. Mais cette année, man, puis là, il est rentré dedans en tabarnak. Il a fait Dungeon Siege, Seed, Postal, puis Blood Rain 2. Blood Rain Deux. C'est ouais, que le 1 était tellement bon, ça laissait des portes ouvertes pour en faire un bon deuxième. Ouais. Mais en tout cas, bref, Uwe Boll, c'est somme toute quand même assez un phénomène de foire, parce que, tu sais, veux pas, il y a comme le titre de... Ed Wood des années 2000. C'est pas vraiment vrai, moi, je trouve, là, mais c'est discutable. Sauf que, quand même, les gens s'intéressent beaucoup à son cas, soit pour l'haïr ou soit pour savoir s'il aime ça ou pas. Tu sais, comme je suis allé voir Postal cet été à Fantasia, puis c'était sold out, man, dans la grosse salle. Ah, c'est sûr, mais c'est comme, mettons... C'est comme la fille de Ozzy qui sort un album, le monde va l'acheter parce qu'il en a entendu parler. T'sais. Lui, il incarne le laisser aller puis la quantité plus que la qualité, fait que le monde ils veulent aller le voir. Ouais. C'est comme ça. Mais l'affaire en plus, c'est qu'avec Postal, pour vrai, c'était pas si pire que ça. Oh. Ouais, c'était. Il y avait des moments sympathiques. T'sais. C'était quand même un film ordinaire. T'sais. Ouais, à la place d'être poche. Une rature. Non, non, c'est ça. C'était comme un film correct ordinaire. La place d'être un film vraiment pas bon. Fait que c'était surprenamment bon. Ouais. Ben, par rapport à Uwe Boll. Puis Uwe Boll, tout ça, ben justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, tu sais, puis on lui dit des choses. Il y a des gens qui ont voulu faire une pétition pour l'empêcher de faire des films. Ça circule, c'est sur Internet, vous pouvez la trouver. C'est lame, il fera bien ce qu'il veut. Ben, c'est ça, hein, d'autant plus que, tu sais, il est tellement backé par plein d'investisseurs. Ben oui. Puis, c'est ça, à un moment donné, il s'est dit, bon, ben moi, je suis tanné que mes critiques m'écœurent. Fait que là, c'est un petit trépu, Uwe Boll. Il pourrait être au festival de jeudi prochin. Là. Non, il est pas borderline. Gros, il est trépu, il est comme... Comme moi, maintenant. Non, toi, t'es gros. Oh. Trépu, on a dit. Je sais pas. Il est costaud. Tu sais, okay. Petit costaud, sans avoir des... Il a l'air d'avoir des mosselles, comme on dit. OK. Fait que, il a dit, je vais convoquer mes critiques à un match de boxe. Fait que là, il a invité comme du monde à Vancouver parce qu'il tourne tous ces films-là, même si, en tout cas, il prend son cash en Allemagne, il tourne ses films au Canada parce que ça coûte encore moins cher. Puis finalement, voilà. Ça se distribue à peu près pas. Là. Fait que, à Vancouver... Ça a pas l'air d'être l'important dans son procédé. Non, non, non. L'important, c'est que le film fasse pas d'argent, en et fait. Et qu'il s'aime après. Mais il a battu les critiques à la boxe. Ouais, c'est ça, il les a toutes clenchées. Toute la gang. Puis en moins de 2 minutes chaque, là, il... OK, il a amené ses critiques, il a dit, venez, on va se battre dans un match de boxe. Ouais, dans un vrai match de boxe. Là, il a boxé pour vrai. Contre ses critiques. Ses critiques qui voulaient qu'il arrête de faire des films. Ouais. Il les a cassé la gueule live avec ses propres poings. Ouais. Puis ils ont fait un film. Ben, ils ont fait un film. Ils ont fait un documentaire. On a fait un documentaire là-dessus. The Fist for Justice. I've got the right to make my stupid movies about the video game and recevoir de l'argent because I make a crosse fiscale. Je l'adore bien gros. Il veut Non, non, mais il est vraiment charmant. Puis, tu sais, pendant que tu lui poses des questions, tu sais, quand tu vas voir Postal, mettons, là, ben, il veut pas, tu sais, il est bien de bonne humeur que son film passe, puis qu'il remercie tout le monde, puis, tu sais, somme toute, il est presque attachant, même s'il a l'air d'un farfadet. Même s'il y a une démarche créatrice assez bizarre. Ouais, ben, en fait, ça, on peut pas vraiment dire qu'il y en a une. Ouais. Hey, ben, il a découvert le script après avoir fait un long métrage. Ouais, ben, tu sais, c'est un processus. Hein. C'est un processus. Ça se fait lentement. Ouais, parlant de s'aimer, tu nous lis-tu ton poème? Ben, je l'ai pas fait encore. Ben, je pourrais lire ma chronique sur Bravo Marc Party parce que je vais te baquer parce qu'on a écouté ça tout à l'heure. Ah oui, je l'ai vu genre avant hier ce film là puis j'ai vraiment beaucoup pas aimé ça. Ah, c'était vraiment donc ben je vais aller ça puis on va partir écouter une toune après là tiens. Bravo Marc Party. Ce qui est drôle dans Bravo Marc Party, c'est que Manolo il embrasse sa sœur. Ah ouais, en plein cœur de cette orgie d'américanité à peine déguisée en québéquisme, Manolo de Ramdam embrasse à pleine bouche Marie Lou Wolfe. Bon, là, je mélange les noms de personnages à acteurs, d'actrices à personnages, mais c'est que c'est réellement la fille qui est sa sœur dans l'autre show qui l'embrasse. Ouais. Dans un microcosme culturel comme le Québec, je trouve franchement bizarre que les créateurs du film aient pas réalisé le simple lien douteux qui se cachait dans ce geste. Sans parler du fait que le public cible de Ramdam a sûrement grandi depuis les 4 ans que ça existe pour arriver au Sweet 16 qui permet de trouver ce trop long métrage intéressant. Je vais donc essayer de résumer l'impression que m'a laissé cette croûte pour brancher écrit avec ES à la fin. Oui. Donc, à la place d'écrire mon magnifique poème s'intitulant « Je m'aime », mon esprit fut pris par cette fable moderne au relent de fadeur assaisonné de déjà-vu. L'overload de placement de produits, ben non, c'est pas du Céline Dion, c'est du André Waters. Faut attendre à la 80e minute pour avoir une toune en français dans ce qui est sûrement, de mémoire d'homme, la plus solide présence de Monsieur Soundtrack en sol québécois. Pas moins de beaucoup trop de chansons tristes, cool, branchées, pop, mais surtout faciles, peuplent l'univers sonore de À vos marques, party. Puis ils sont vraiment tout en anglais à part. Oui, oui. Parlant de facile, la fille a abandonné la compétition de natation en pleine gloire à cause d'un accident. Ses anciens amis et son ancienne réputation la rattrapent tous deux alors que le party de fin du film approche. Les quiproquos abondent entre le prince charmant, la bitch, bien sûr entourée de pétasses sans personnalité qui attendent son signal pour glousser entre elles, l'héroïne précieuse et franchement en colonne. Plein de séquences de party, la même classe avec la bougonne qui suracte, un conflit avec la mère qui tape sur les nerfs, tous les personnages se croisent partout, l'héroïne revient nager, concubinise avec le héros de l'école, ainsi qu'avec Alexandre Despatie, gagne la course, fait la paix avec sa mère, pis tout, jusqu'au slow durant lequel il s'embrasse à la fin, avant la chanson de André Waters qui nous fait un clip pour que défile le générique. Ouais. Ah. Je tiens à dire que ça ressemblait vraiment pas à ça mon secondaire, puis c'était une classe genre de 17 élèves. Puis on sait très bien que de ce temps-là, c'est 30-40. Ouais, c'est ça, il y en a un petit peu plus. Puis, hein. Donc, je l'ai dit au début, je le redis ici, et puis je vais le redire à n'importe qui veut l'entendre, même si c'est Alexandre Despatie, il est tellement beau. À vos marques, party, c'est exactement comme si Montréal faisait partie d'un nouvel État et que le pays au sud du nôtre, c'était maintenant le Mexique. Exactement. Oh, wow. Et voilà, ça a fait du bien. Oui. Hey, on va aller écouter une toune. Ouais, puis après ça, tu pourrais repasser un peu de. On va repasser. Hologramme Man. On va faire ça. Je pense que ça va être. On va laisser Christiane choisir. Ça va être Talk About the Blues de John Spencer Explosion. Ben non, After the Fire de, et Dare Commissar. Ça me dit absolument rien. Mais John Spencer. Je ne demande pas de savoir si ça dit quelque chose. Et celui de gauche. Celui de gauche, ça doit être le premier que j'ai dit. Ça va être Talk About the Blues de John Spencer Explosion. On vous revient à 70% dans pas longtemps. Voilà, on vient de se faire piler dessus par George de Seinfeld. Hey, L'homme hologramme, un film de 1995, USA, meilleur des meilleurs versus meilleur des meilleurs. C'est un bijou plein de fichiers. On était déjà rendu à trois. Le concept d'emprisonner des hommes sous forme d'hologramme est difficilement justifiable et c'est pourtant à la base du film. Lors de sa première journée dans les forces de police, Dakota perd son coéquipier noir et cherche ensuite à se venger pour des raisons personnelles. Encore une fois, on doit le douteux à Pépin Méry. C'était la séquence que j'ai écrite, bien sûr, dans l'encyclopédie. Là, on a ici, on s'en va rejoindre Slash qui est le méchant et qui est emprisonné dans la prison cybernétique sous forme d'hologramme. Attendez. Chapman. Patron, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous me voyez? Le Born, mon bon ami, comme ça fait du bien d'entendre ta voix. Vous inquiétez pas, patron, on va vous sortir de là. Où suis-je? Prison cybernétique. J'ai piraté le réseau et j'ai rétabli le programme de votre conscience. Mais qui c'est? Je m'appelle Manny O'Donnell. Lui, pour nous, c'est tout fou. C'est notre nouveau petit génie. Je suis un génie extraordinaire. Tadam! Là, vous comprenez, hein, c'est qu'ils se font mettre en prison... Et puis là, ben, ils se font reprogrammer pour devenir gentils. Puis en attendant, ben, ils mettent leur âme sous forme d'hologramme dans un ordinateur. C'est logique, hein? Ouais. À date, ça se tient, moi, je pense. Là. Là, on va aller un petit peu c'est plus fluide. Loin. C'est fluide. Ouais, c'est ça, c'est très fluide. Dans la réalité interne du film. La diégétique. Ouais. Non, mais là, ce qui arrive, c'est que, bien sûr, un prisonnier qui est sous forme holographique doit, une fois de temps en temps, après que la reprogrammation de sa personnalité soit faite, être passé à l'appel, tu sais, mettons, il passe devant le jury, puis là, il se fait questionner, puis tout. Fait que là, on va aller voir, ça se passera pas tout à fait comme d'habitude pour Slash Gallagher. Veuillez procéder à l'évaluation du prisonnier 666959. C'est quoi son chiffre? 666959. Ah, il est méchant. J'ai manqué le début? Non. Non, ça n'a pas encore commencé. Ah, c'est dommage, j'ai oublié de prendre le popcorn. C'est sa coéquipière cocasse. C'est celle qui a pris la place du noir qui est mort au début. Prisonnier 666959. Ceci est l'audience pour votre évaluation. Avez-vous quelque chose à déclarer? La bite. Vous voilà président maintenant. C'est avec étonnement que je découvre qu'un sphincter intellectuel et votre acabit soit parvenu à une fonction si prestigieuse. Prisonnier 666959, synthèse de la voix positive. Je dis toujours la vérité. Des codas, ça faisait longtemps. Bah, pour toi. Prisonnier 666959, votre anabiose présente visiblement une défaillance majeure. De nombreux troubles de la personnalité. On va essayer de compter le nombre de fois qu'ils vont dire impossible à partir de maintenant. Vous allez voir, ça c'est drôle. Des facteurs de démence sont présents dans votre fichier cérébral. Nous nous y attendions. Il va en prendre pour 50 ans. J'en suis très honoré. Nous recommandons le retour immédiat à la matrice holographique pour élargir le diagnostic et appliquer tous les points du protocole pénitentiaire en vigueur à Los Angeles. Vous avez copulé ensemble tout ce temps-là, hein? Oh, oui, oui, toi et ta gentille petite pute. Je crois que nous en avons assez entendu. Verdict. Les votes sont négatifs, mon cher. Il reste 1:30 à l'extrait. On compte les impossibles, s'il vous plaît. Ça va arriver. slash Gallagher, vous allez retourner en mode de reprogrammation immédiatement. En mode de reprogrammation. Qu'est-ce que c'est ça? Super. Programmer quelqu'un à tête jante. Ça me fait vraiment très plaisir. Non? Oui, c'est ça qu'ils font là-dedans. Oh. Donc, il a rétabli le programme de sa personnalité originale. Ah, ça sent bien. On veut des impossibles. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Ça sent rien. Ah! Ça, il va s'évader. Docteur, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Une espèce de force extérieure. Attends. Oh, oui. J'adore ça. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Chiotte! Carradine, attends! C'est impossible. Bon, enfin... Il y avait un pas possible. C'est comme un et demi. Ouais, ouais. C'est très courageux d'envoyer une femme à votre place, messieurs. Ah! Il donne des baffes. De... Allez, attrapez-le! On va pour toi. Stoppez-le! Je ne peux pas le stopper, mais pourquoi? Parce que. C'est impossible. Parce que c'est. C'est impossible. Faites-le. Descends-le! Est-ce que c'est impossible? Ils sont en train de tirer au travers parce que c'est rendu un hologramme. Un homme hologramme. C'est rendu un homme hologramme, c'est ça, parce que dans le futur, quand t'es méchant, il t'enferme sous forme d'hologramme dans un ordinateur en reprogrammant ton cerveau. Puis là, lui, il a réussi à sortir. Il a réussi. Il était plus malin. Voilà, il y avait une force de l'extérieur qui était J.F. Sébastien de Blade Runner qui est venu comme pirater le système et tout. Oui, et c'est tout. Le génie extraordinaire de tantôt, c'est ça. C'est ça, c'est exactement on ça. On a eu trois impossibles. Qui parlait avec l'autre gars qui avait de l'air niaiseux, là. Qui avait l'air assez cruche. Qui avait l'air d'un méchant d'inspecteur Gadget. Excellent. Ben, Bruno beau, est à sa là, place. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme n'est bon, mais que c'est la société qui le pervertit, mais qu'au pire, après ça, a fait sa job pour leur mettre drette. Au pire. Au pire, ouais, au pire. Au pire, elle fait sa job. Ben c'est ça, elle reprogramme sous forme d'hologramme. Boss Battle Number One pendant qu'on écoute la chronique style d'Israël Trudeau. Ouais, parce que je transforme mes chroniques style de MCG à 70% parce que je suis de vibe, j'ai pas grand chose à dire parce que tu sais, chez Dagwood. Il coupe la viande devant toi et puis la sauce. Non, je parlerai pas de Dagwood, je parle des sportifs de salon parce que j'ai vécu avec un pendant 2 ans. C'est très, très impressionnant. Le sportif de salon rentre de travailler, ne se change pas, s'en va tout de suite au dépanneur acheter ses 3-4 mises au jeu. Puis pour gager. Puis sa grosse quille de Toreador. Oui. Non, non, non, non, il achète un bon spack. Là, un là, bon là, spack. C'est correct. Là. De bod. De bod. Puis ou de 50. Puis là, c'est ça, il va acheter ses mises au jeu pour le football puis pour le hockey. Puis là, il revient à la maison, puis là, il check ses stats dedans, ses 6 poules, parce qu'il y en a 2 en football, 3 en hockey, puis 1 de golf. Puis après ça, là, je te jure, le dimanche chez nous, c'était vraiment impressionnant avec mon grand chum Pat Larouche, parce que il amenait 4 TV dans le salon le dimanche pour écouter toutes les games de football en même temps. Ben, faut dire que le football, il arrive jamais rien, fait que tu peux en écouter 12 en même oui, temps sans ça. Rien manquer. Hein. Non, c'est ça, c'est quand même pas pire. Là. Fait que 2 sur le satellite, 2 sur le câble normal, parce qu'on en pognait au 11. Pis, c'est précis. Hey, je te jure, puis c'est vrai que ça a 4-5 poules. Ça s'habille en linge de job, parce que ça prend pas le temps de se changer. Ouais. Avant d'écouter les games. De toute manière, ça appelle les chummies pour l'écouter, ça rit bien fort, puis... C'est ça, là, c'est ça, un sportif de salon, on en connaît tout un peu, mais il n'y en aura pas d'aussi extrême que mon Pat Larouche à moi. À moi. Humblement. Bon, ben là, on va aller écouter une autre toune, hein, parce qu'on est là pour ça. C'est une toune que j'ai cherchée pendant à peu près 10 ans avant de la retrouver cette semaine. Ça vient de Jean-Louis Foulquier. Le gars, il a à peu près 60 ans, celui qui chante ça. Ça vient de l'album « L'hiver des oiseaux ». La chanson « C'est tout ce qui est dégueulasse » porte un joli nom. Ça, en tout cas, je la cherchais pas pour rien, vous allez voir. On revient à 70% pour parler avec les amis. Canix à elle, chrysanthème canine, morsure varicelle, mygale tarentule, épine porte-avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les pommettes, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleur, hyménergis, la rue, floriston. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, pérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, tienne, amen, amen, rasoir et ciseaux, hostie, Vatican, Jean-Marie, Mormon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et séville, ouragan, menotte, acide, Tchernobyl, atome, neutron, neurone et citron. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Hanson? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. Vous êtes qui, vous? Reggie Dunlop, votre coach. Ramassez votre stock, on s'en va à l'hôtel. OK, viens, t'en suis. Laisse faire ça. Je veux mon argent. Hey, penses-tu qu'il y a des circuits d'automobile? Regardez, les gars! Hey, attendez-moi! Je l'ai eu, mon 30 sous! Hey! Yeah, il a eu son 30 sous, c'est tellement beau. Là, on va retourner, bien sûr, dans l'homologramme. Ce qui s'est passé, c'est que là, Slash Gallagher s'est sauvé de la prison. Fait que c'est quoi qui arrive? Ben, les policiers se ressaisissent. Dakota va s'entraîner pour redevenir le meilleur des meilleurs, pour être capable de l'arrêter. Alors, où en sont les équipes, Andy? Eh bien, nous sommes prêts. On ne sait pas ce que ça donnera. Nous n'arrêterons pas Slash avec des balles. Non, mais ça arrêtera sa bande. Ouais, et pour Slash? Slash est pour moi. Quelle bande de simulation désirez-vous? Chargé, décoda, 2-11-T, maxi. Combien de terroristes souhaitez-vous? 12. Combien de rounds désirez-vous? 12. Oh, pas de balles perdues, décoda? Les munitions sont hors de prix en ce moment, non? Taquin. Alors? Tu restes dans le coin? Non, je suis venu remplir des papiers. Je vais te laisser t'entraîner tout seul, salut. Et voilà, une chance que Dakota s'entraîne pour devenir le meilleur des meilleurs, parce que un petit peu plus tard, à 42 minutes 50, on retourne voir Slash, qui encore une fois est très méchant. Parce qu'au dis-moi début... Dis-moi comment ce truc marche. Les polymères sont chargés négativement. Ils contiennent votre énergie comme une bouteille d'eau gazeuse enferme ses bulles. Le mélange augmente la masse et permet d'utiliser des objets physiques. Voilà. Ce qui arrive, c'est qu'au départ, c'est un hologramme Fait qu'ils passent au travail des affaires. Mais là, ils mettent du polymère dessus. Fait que comme ça, ça coûte moins cher d'effets spéciaux. Ça permet de changer d'âge, de sexe. Voilà, voilà, si voilà. Si je peux être n'importe qui, pourquoi t'enlèves pas ça? Comme si c'était fait. Imaginez, patron, désormais, vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand, et sous l'apparence que vous souhaitez. Comme dans Darkman. Et je le ferai. Ben oui, il va le faire. Au plus haut niveau. Oh, tata. Là, on est menacé, on a peur, slash est déchaîné. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, à l'intérieur même de l'équipe des héros, il y a des méchants. Et puis, bon, on apprend tard dans le film que le gouverneur, duquel on se... je sais pas comment le dire poliment, mais on se fout totalement, ben, est assez méchant. Ah, c'est lui, là. Il est dans sa limousine. Votre état est navrant, Décoda. Si je vous connaissais pas, je dirais que vous êtes un dégonflé. Tonton. Trouvez quelqu'un d'autre. C'est pas la solution. Voyez-vous, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Un grand philosophe. C'est un jeu très dangereux, l'ami. Je vais quand même tenter ma chance. Vous savez que Gallagher veut prendre le pouvoir. Et moi, je fais tout pour le garder. Si vous me faites encore défaut, je vous fais virer. Puis là, ben, comme il n'y a personne qui a réfléchi à quoi que ce soit pour essayer d'arrêter slash Gallagher, comme il n'y a personne qui est capable de réfléchir au fait que parce que c'est un hologramme puis que toutes nos balles passent au travers, peut-être qu'on devrait, je sais pas, lui lancer des rayons électriques ou le mettre dans un aimant ou tu sais quelque chose. Mais là, la meilleure stratégie qu'ils ont trouvée, c'est pas que... de transformer Dakota en hologramme. Punch, man, punch! Mais là, c'est ça, Dakota, il est rendu un hologramme. Puis là, il s'en va voir le gouverneur. Mais là, il va faire ça à sa manière. Encore fait faux bond, Dakota. Monsieur, il passait à travers les obstacles. Je ne pouvais rien faire. Kilking a disparu. Et les autres sont morts. Je suis le dernier. Mmh. Le dernier. Ouais, et le prochain. Il va venir vers moi maintenant. Slash va vous enlever et profiter du désordre pour s'emparer de la ville. Vous m'avez déçu à chaque fois. Je devrais vous faire exécuter pour ces incompétences qui frisent la trahison. Vous ne pouvez pas exécuter tout le monde. C'est faux. J'ai instauré la loi martiale sur la ville de Los Angeles. Nous sommes en période de crise. J'ai le pouvoir absolu sur la vie et la mort. La loi, c'est moi. Vous vous foutez des gens de cette ville. Vous vous foutez de tout le monde. Vous nourrissez la misère de millions de gens comme s'ils n'existaient pas. Et depuis quand vous me parlez sur ce ton? Vous êtes pathétique, Jameson. Vous me faites gerber. Je vous garantis une place aux premières loges. Vraiment. Pourquoi pour recevoir son vomi? Vous me faites gerber, je vous garantis une place aux premières loges. Fait que là, il est en train de montrer au gouverneur qu'il est rendu un hologramme. Il est en train de la remettre à sa place. Là, écoutez bien ça. Nous allons éliminer Slash. Et ce sera à ma manière. À ma manière. Hein, c'est de toute beauté. Et puis là, bien sûr, on s'en va éliminer Slash à sa manière. Je peux faire un texte de Trunk sur de la belle musique? Non, mais en fait, on est rendu à la fin de l'émission. Oh. Je sais que t'aurais aimé ça, mais tu l'écriras sur une belle petite feuille, puis on trouvera une belle petite musique, comme ça, ça va faire un plus beau poème. Mais moi, j'ai une question, parce qu'on sait même pas c'est où son party. Ouais, mais c'est ça, je voulais donner l'info-line. Peut-être. Ben, on voulait en reparler, go. Ben, c'est ça. En fait, il y a des activités pendant toute la semaine, parce que c'est en collaboration avec Queer Reaction, qui ont loué un loft pendant une semaine. Fait qu'on donne juste un numéro de téléphone, parce que le loft appartient à quelqu'un aussi pendant que c'est pas ça. Fait que vous pouvez appeler au 514-475-JOIE pour avoir les informations sur l'adresse et comment se rendre là-bas. Puis il y a des activités du mercredi au dimanche. Le jeudi, c'est le festival de gros que j'organise. Je crevasse, parce qu'on m'appelle crevasse dans ces moments-là. puis c'est ça. Sinon, il y a des présentations de collectifs sur des films... tout plein d'affaires queer. Il y a des ateliers de play pursing, des ateliers d'information sur le sida. Il va y avoir des courts-métrages, il va y avoir des performances de cracheurs de feu, de plein d'affaires. Yeah! Fait que toutes les informations sont au 514-475-JOUET. Si vous voulez savoir c'est où puis comment vous rendre, c'est mon festival de gros jeudi, c'est 5$ et il y aura... Des gros. des gros. Tout le monde est invité, par contre. C'est le stage est réservé aux gros, tu sais, sur le monde qui veulent venir voir le show puis qui sont pas gros, on les accepte. Vous les laissez rentrer quand ouais, même. Ouais, ouais, parce que j'aimerais ça faire de l'argent aussi. Okay. ou qu'il y ait du monde aussi. Ou qu'il y ait du monde, non, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, Christiane. C'est très gentil d'être passé ici à 70%. Est-ce qu'un zombie qui est gros, ça mange plus qu'un zombie qui est maigre? Je sais pas, faudrait demander à un zombie. Ouais, il dirait sûrement. Ça dépend dans quel film de zombie, je pense. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Il n'y en a pas des gros zombies. Oui, il en manque tout le temps, ça. En tout cas, merci Benoît d'être venu parler de UV. De plaisir. Merci c'était Bruno d'être venu bitcher. Merci. Merci Israël Trudel-Denis d'être venu au show de radio puis de dessiner une carte d'affaires avec des étoiles de ninja. Oui, merci Tommy d'être là. Ah, ben, il n'y a pas de problème. D'être présent puis d'écouter des films. Ah, ça, oui. ça m'arrive. Sinon, ben, c'est le dernier soir que les visionnements sont au Grimoire ce soir. Après ça, ça va être au Roquette. Ça va être tous les 21h ou ouais. 20h30, 21h au Roquette à partir de lundi prochain. Tous les lundis prochains au Roquette. Ça tout va être quoi déjà? Prochain lundi. Excusez, j'ai mal compris. Ça va être au Roquette tous les lundis prochains. C'est ça. Coin Saint-Denis-Mont-Royal. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas chez nous. On l'a eu, ça précise. Fait que pour se laisser, on va écouter une toune de Bonne Journée. C'est drôle, hein, pareil. C'est oh, votre band à vous autres, là, je l'ai amené pour vous faire un plaisir. Il y a le t-shirt, c'est ce qu'on est groupie. Fait que merci d'avoir écouté 70%. La semaine prochaine, on devrait avoir un invité assez original qui va venir nous présenter son album à lui. C'était ça, on va aller écouter l'homologramme au grimoire à partir de maintenant. Salut! Hey, hey, Billy, prends ton courage à deux balles. Lundi 5 novembre, vous écoutez l'épisode 18 de Dans ta bulle, une émission BD sur les ondes de Choc FM. Ah, ça ne marche pas. Donc, tant pis, on n'aura pas de jingle cette fois-ci. Ah bah si, quelqu'un est venu à notre aide. Générique.